les édentés, en rêvant des Vénus, blondes comme la gerbe, quelques néréides en beau sens effronté. Là, sur le trottoir où m'accroche la queen, pour payer du pétrole aux nouvelles habilis, le modèle fragrant montre sa tête fine. et la nuit est tombée sur Paris. Moi je suis resté là avec quelques envies, et la marche en pierre froide où repose mon derrière fut creusée par l'usure d'autres traînes misères. Non, je ne suis pas le premier à venir m'y asseoir. Quelques hommes avant moi y ont vécu sans espoir. Comme des chiens, ils étaient bien plus maigres. Moi, trop gras, je déborde dans ce moule de pierre. Et le froid est tombé sur Paris. Comme tout est minuscule lorsque tout refroidit. Et je n'ai rien à donner contre un peu de chaleur. Je n'ai rien si ce n'est une photo sans valeur. Tout autour, les gens dorment sous des draps de coton. Je vous vois de mon œil d'où descend un glaçon. Vous rêvez de nuages qui survolent votre couche. Moi, mes seuls nuages sortent tous de ma bouche. Et la brume est tombée sur Paris. Qui dit brume dit silence, instant mort de la vie. Un arrêt dans le temps, un hommage aux rêveurs qui peuvent être rois de France dans un siècle d'ailleurs. Templiers regagnant quelques nobles conquêtes, pirates sortant d'un bouge et d'une nuit de fête. Car cette brume, cette ambiance sont ici depuis l'âge. Paris et sa scène n'étaient qu'un marécage. Et la vie est tombée sur Paris. Il n'y a plus de roi en France, mais des gens en teint gris qui commencent la journée par des odeurs d'urine, d'un métro mal lavé où les gens s'agglutinent. Je me réchauffe un peu de les voir si tremblants. Dans l'écharpe, ils s'enfoncent pour moi claquer des dents. Un bruit sourd derrière moi, je sursaute étonné. On me chasse de ma pierre comme on jette un déchet. Et tout est tombé sur Paris. Les voitures, les klaxons, les commerçants aigris. Tiens, j'ai trouvé un mégot de ma marque préférée. Celui d'un rouge à lèvres sur le bout comme cacheté. Jour de chance, les poubelles m'ont offert un costume. Et j'ai trouvé 20 francs par un chapeau à plumes. En soirée, un moineau a sifflé devant moi. Puis il est reparti s'abriter sous son toit. Et la nuit est tombée, comme hier. Et je suis retourné sur ma marche de pierre.